music that are created to sell, they plug a label onto it real quick, like this is disco, this is punk, this is rock and roll, this is jazz fusion, this is disco. You not stop now. You have to keep on going. You need to keep taking yourself there. Step into it. We'll be right back. training, we're taking it out on everybody. Don't be smart, get out of my face. Real frustrated, we're taking it out on everybody. Don't be smart, get out of my face. Real frustrated, like, I don't know how this. Don't be smart, get out of my face. Real frustrated. Yeah. It's all about love. You can't run away from it, you can't escape it, so you just gotta open, just open your heart. Because when you open your heart, I mean, if you really open your heart, then you kind of really understand what it means when I say, now what are you, surprised? Are you surprised? Don't look at me like that, in a weird and wonderful way. You gotta know that's the name. saying? Funky cold. This brother told me a secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. Boom, cold, boom, cold, boom, boom, boom, boom, boom, cold Medina. Boom, cold Medina. You know what I'm saying? Et bien voilà, fin de ce mix. J'espère que ça vous a plu, tous les auditeurs confinés. J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager. Moi, en tout cas, ça me l'a fait. Même si on est confiné, on peut quand même voyager un petit peu par la musique. En tout cas, voilà, c'était 3 heures de Good Vibes, nu disco, nu funk. Vous voyez un peu ça. Il faut se projeter pour cet été. J'essaye déjà de me projeter. Peut-être il y a des personnes qui ont des établissements qui sont pour l'instant hyper down. Peut-être ils écoutent ça, ils ont envie de programmer ça cet été. Là, peut-être c'est tout de suite un peu compliqué d'y penser, mais mettez-vous cette idée sur l'oreille. Et vous la regarderez après quand il fera plus chaud, plus beau et qu'on sera sorti de cette misère pour cet été. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous rappelle encore une fois le rendez-vous de cet été, 27 et 28 juin, le Sud Tronic, un festival house techno, plein de différentes house, plein de différentes techno sur 2 jours. 20 DJ sound system et live, pardon, sur le lac de l'Arena à Roquebrune. Quoi vous dire, un super son, de la qualité, une scène magnifique, on va vraiment se régaler. Possibilité de camper sur place, tout, enfin voilà. Quant à moi, eh ben, je donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense qu'on sera encore dans cette situation confinée. On fera un autre Good Vibes d'une autre tonalité, peut-être Tech House, on verra bien. En tout cas, celui-là, je le dis casse à Seb, le trompe pas. Seb, grâce à lui, on a une radio quand même qui nous envoie du lourd. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Allez, à bientôt. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground.